ce soir. Vous, mes vieux, quand vous le saurez, vous n'en reviendrez pas. Devinez qui vient chez nous ce soir. Je peux dire et sans me tromper qu'il sonnera trois fois. C'est tout à fait par hasard que je l'ai rencontré. Il marchait dans les rues toujours aussi distrait qu'avant. Ça faisait longtemps, longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'ai trouvé changé, mais je l'ai reconnu. Pourtant, devinez qui vient dîner ce soir. Toi la mère, comme je te connais, t'auras des larmes aux yeux. Devinez qui vient chez nous ce soir. Toi le père, en le revoyant, tu baisseras les yeux. Toi qui n'as jamais rien fait pour lui tendre la main quand il a mal tourné, quand il avait besoin de toi. Pourquoi donc ton sale orgueil a-t-il été plus fort? Tu n'as jamais voulu reconnaître tes torts. Pourquoi? Devinez qui vient dîner ce soir. Toi le père, oublie ta fierté ou va la mettre au clou. Devinez qui vient chez nous ce soir. Croyez-moi, il ne tient qu'à vous pour qu'il reste chez nous. Devinez qui vient chez nous ce soir. Toi la mère, comme je te connais, tu vas rire et pleurer.